La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous, on aime quand ça va vite, et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça, j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger. C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Personne n'a oublié cette image. Deux points noirs et gantés de cuir dressés contre le ciel. Les points vengeurs de deux athlètes états-uniens, Tommy Smith et John Carlos, montés sur le podium olympique de Mexico et qui, arborant le symbole du Black Power au moment même où retentit leur rythme national, entendent ainsi dénoncer la condition des Noirs. Une attitude qui a fait scandale dans le petit monde des dirigeants de l'olympisme, peu habitués à affronter de telles manifestations intempestives. Mais un geste, aussi spectaculaire soit-il, qui ne parvient pas à effacer le drame de Mexico deux semaines plus tôt et a d'ailleurs failli entraîner l'annulation de ces Jeux de 1968. Un massacre. 200 manifestants étudiants, peut-être même 300 ou plus, tombés sous les balles des soldats au cours d'une interminable fusillade sur la place des Trois Cultures, dite aussi place Tlatelolco. Un lieu parfaitement symbolique car les Aztèques y ont mené leur dernier combat avant d'être exterminés par les conquistadors. Pourquoi ce massacre d'étudiants, qui l'ordonnait? La prochaine tenue des Jeux Olympiques explique-t-elle cette féroce répression? Y a-t-il eu des provocations? Et enfin, le grand voisin nord-américain a-t-il joué un rôle dans cette affaire? Monsieur X répond dans un instant et décrypte ce qui restera comme l'une des pages les plus noires de l'histoire du Mexique moderne. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Oxymoron, vous savez bien sûr ce que cela veut dire. Oui, c'est oxymoron, c'est l'association, attendez, dans une expression de deux mots contradictoires. Et selon le petit Robert, cette alliance insolite leur donne une force nouvelle. Ah oui, mais vous-même, il n'y a pas si longtemps, vous avez utilisé un oxymoron lorsque vous avez dit que la commission chargée d'enquêter sur les événements tragiques du Bloody Sunday se hâtait lentement. Ah, je vois que vous m'avez écouté attentivement. Ah, oui. Enfin, bon, trêve de plaisanterie. L'un des plus beaux oxymorons est mexicain. C'est le PRI, Parti Révolutionnaire Institutionnel. Ah oui, comme si la révolution pouvait être permanente. Exactement. Bon, et notez-le bien, ce PRI, qui s'est d'abord appelé Parti National Révolutionnaire, a gouverné le Mexique sans interruption pendant 7 décennies, jusqu'en 2000. Il est évident que la révolution, enfin celle qui avait été incarnée au début du XXe siècle par Pancho Villa ou Emiliano Zapata, n'était plus qu'un lointain souvenir pour les chefs du PRI. Ouais, le PRI qui était devenu un parti comme les autres, quoi. Oui, même un parti plutôt conservateur. C'est-à-dire, il avait abandonné toute idée révolutionnaire. Oui, ouais, en fait, la révolution, on en parlait. On ne la faisait surtout pas. Je ne sais plus qui a dit plaisamment... Au Mexique, la révolution, c'est l'opium du peuple. Pauvre Marx. Hein. En effet. Mais est-ce qu'elle restait à faire, cette révolution? La réforme agraire n'était pas terminée. Et sans entrer dans les détails, il faut simplement dire qu'il existait d'importantes injustices sociales et économiques, les plus riches étant étroitement liées aux multinationales états-uniennes. Quant au système politique, il est très curieux. Expliquez-moi ça. Le PRI. Parti officiel est une structure toute puissante dont le président de la République est le chef naturel. C'est une bureaucratie qui n'est démocratique en apparence, car l'Assemblée nationale ne se réunit tout au plus qu'une fois tous les 6 ans. Enfin, le parti a une façon particulière de traiter les opposants. Plutôt que de les combattre, les caciques du PRI préfèrent les intégrer, quitte à les acheter. Une intégration en douceur. C'est à peu près ça, oui. Mais ce système bien huilé commence à craquer en 1968. Et la conjonction de 2 événements, la préparation des Jeux Olympiques et la révolte étudiante, va révéler les disparités qui existent dans ce pays apparemment sans problème. Il faut en effet savoir que le Mexique connaît une croissance exceptionnelle et se modernise à tout va. La capitale, Mexico, en administre la preuve tous les jours. Mais dans les campagnes, rien n'a changé et les paysans sont toujours aussi pauvres. Oui, et puis quand ils n'en peuvent plus, ils viennent... s'accumuler aux portes des villes. Ah oui, puis ils viennent grossir les bidonvilles, bien sûr, je simplifie. Alors, voyons ça dans le détail. Les Jeux Olympiques, d'abord. Incontestablement, pour le président Diaz et son gouvernement, cette grande manifestation sportive est une occasion unique de faire valoir la modernité du Mexique. Ça signifie que les autorités sont décidées à tout entreprendre pour en assurer le succès. Le succès et la sécurité. Bah, naturellement, ça va ensemble. Et puis pour le PRI, parti farouchement nationaliste, c'est aussi l'occasion de flatter le sentiment national. Les étudiants, ensuite. 1968, c'est l'année de la révolte étudiante dans le monde entier. Dans la vieille Europe, mais aussi dans le Nouveau Monde. Une véritable traînée de poudre. Ouais, et le Mexique ne pouvait pas échapper à la contagion. Bah forcément, d'autant que la population étudiante ne cessait d'augmenter et que par nature, contrairement à d'autres couches de la société mexicaine, elle était moins susceptible d'être digérée par le parti au pouvoir. Alors, une population rebelle ? Critique, en tout cas, et travaillée par des courants et des aspirations de gauche, et même gauchistes. Les associations étudiantes dénonçaient en particulier l'inféodation de leur pays aux intérêts états-uniens, et leurs héros s'appelaient Che Guevara, Fidel Castro, et bien sûr, les révolutionnaires mexicains mythiques comme Zapata. Mais est-ce que cette contestation étudiante pouvait déboucher sur mai 68 à la française? La plupart des observateurs ne le pensaient pas. Mais le pouvoir était inquiet, essentiellement à cause des Jeux Olympiques. Et le président Gustavo Díaz Ordaz, ancien ministre de l'Intérieur, avait décidé d'exercer une surveillance vigilante des étudiants soupçonnés de gauchisme. Ouais, de prévenir toute révolte. Quoi. Oui, Diaz se méfiait particulièrement de l'influence française. Ah oui, et quoi, une influence réelle? Oh, intellectuelle, tout au plus. Et puis, il y avait la proximité de Cuba. Et c'était assez paradoxal. Quoi? Pourquoi? Parce que le Mexique, bravant l'embargo états-unien, continuait à entretenir des relations avec Cuba. Mais en même temps, les autorités avaient très peur de la menace idéologique cubaine. Et en parfait accord avec les services secrets nord-américains, tous les voyageurs allant ou revenant de Cuba faisaient l'objet d'une étroite surveillance. En fait, Diaz se méfiait de tout ce qui venait de l'étranger. Président xénophobe. Et surtout terriblement méfiant. Et toujours prêt à suspecter des mains extérieures décidées à semer le désordre et saboter ses Jeux Olympiques. Ça tournait à l'obsession. Pourtant, fin juillet, c'est un événement relativement anodin qui va mettre le feu aux poudres. Quoi ? Une bagarre entre deux bandes de lycéens. Donc rien qui puisse déclencher une révolte nationale. C'est exact. Mais immédiatement, la police et les unités anti-émeutes de l'armée interviennent. Et ça dure plusieurs heures. Des jeunes sont sévèrement tabassés, d'autres sont arrêtés. Manifestement, les forces de l'ordre ont eu la main lourde. Et elles ont fourni aux étudiants un motif de contestation inespéré, la dénonciation des brutalités policières. Ça, c'est classique, ça. Hein. Alors, dans ces conditions, ne peut-on imaginer qu'il y ait eu une sorte de manipulation ? Vous voulez dire que les forces de l'ordre auraient pu exercer de façon délibérée ces brutalités ? Bah, pourquoi pas, oui. Mais dans quel but, alors ? Ces jeunes gens ne sont quand même pas fait taper dessus de gaieté de cœur. Bien entendu, mais les policiers et les militaires auraient pu se livrer à une provocation contre les étudiants. Pour les faire descendre dans la rue ? Bah, et organiser la répression. Ouais, vous avez raison, on peut se poser la question. Avez-vous la réponse alors ? Non, je le regrette, mais j'aurais tendance comme vous à croire à la thèse de la provocation. Car cette bagarre entre jeunes ne méritait pas une répression aussi violente. Ça ne résout toutefois pas la vraie question. Les forces de l'ordre ont-elles agi de leur propre chef ? Ou bien leur a-t-on demandé de faire usage de la violence ? Oui, alors, encore une fois, votre avis ? Eh bien, je crois que le président Diaz a voulu faire peur aux meneurs étudiants et prévenir toute agitation. Mais je ne dispose d'aucune preuve. Quoi qu'il en soit, si Diaz a vraiment voulu impressionner les étudiants, ben, il a raté son coup. Car 3 jours plus tard, de nombreux jeunes manifestants descendent dans la rue pour réclamer la libération des lycéens arrêtés. Et ça tombe très mal pour le régime. Ce 26 juillet est aussi le jour où les sympathisants de Fidel Castro défilent pour célébrer sa victoire contre le dictateur Batista. Et les deux cortèges vont fusionner. Oui, on assiste alors à la plus grande manifestation jamais vue à Mexico. La plus grande et aussi la plus violente, car elle va dégénérer et durer plusieurs jours. Vous faites des étudiants ? Là encore, il y a des incertitudes ou au moins des bizarreries. Mais c'est ce qu'il veut dire. Un seul exemple. Des manifestants ont attaqué à coups de pierre les soldats et les granaderos, qui sont l'équivalent de nos CRS ou gendarmes mobiles, chargés de rétablir l'ordre. Des manifestants qui n'étaient connus d'aucun étudiant et qui trouvaient leurs projectiles dans les poubelles. Des cailloux dans les poubelles, c'est effectivement étrange. Alors là, de là à penser qu'il s'agissait d'éléments provocateurs, des types qui ont aussi mis la main sur des autobus préalablement vidés de leurs passagers et qu'ils ont incendiés, lancés contre les murs ou les barrages de l'armée. Et j'imagine que les militaires attaqués n'ont pas dû faire de sentiments. Hein. Bien entendu. Ils ont riposté avec une extrême brutalité. Un étudiant a même été tué, tandis que des dizaines d'autres étaient appréhendés et incarcérés. Beaucoup ont été blessés. Mais c'est classique. Plus les forces de l'ordre réprimaient, et parfois avec l'aide de blindés et de chiens policiers, et plus le nombre de manifestants augmentait. Ouais. Et c'est à partir de là que le pouvoir déconcerté par la détermination des étudiants a commencé à parler de manipulation étrangère. Thank you. France Inter, rendez-vous avec X. Mexico, le pain et les jeux. Tel est le titre d'un livre des journalistes Claude Kiegeman, une des rares correspondantes présentes sur place, et Jean-Francis Held, un livre consacré aux événements de 1968 au Mexique et publié en 1969 au Seuil. J'y lis cette analyse du PRI et de son évolution. À ses origines, le PRI était une association de généraux et de caciques de province qui furent groupés par le président Calles à partir de 1928 pour éviter un éclatement du Mexique et consolider le pouvoir présidentiel. À l'époque de Cárdenas, le parti officiel a vraiment fonctionné comme un parti de masse. Depuis cette date, il n'est qu'un instrument au service de l'État pour contrôler les élections et appuyer les intérêts des groupes politico-économiques qui gravitent autour du pouvoir central. Son organisation répond à une très ancienne tradition mexicaine qui remonte aux Aztèques, un mode de pouvoir pyramidal. Les masses participent très peu aux décisions économiques et politiques du gouvernement qui se situe à la pointe de la pyramide sociale. Selon certaines définitions, le Parti révolutionnaire institutionnel aurait emprunté au Labour anglais son hétérogénéité et son élasticité, ainsi que l'intégration des syndicats. Au Parti radical français, l'association avec les notables et la répartition systématique des places. Enfin, comme le fascisme italien et la phalange franquiste, il est nationaliste et de tendance corporatiste. Actuellement, le PRI est un curieux conglomérat qui ne peut être exactement comparé à aucun autre parti au monde. Il a constitué pendant 40 ans une superstructure politique perfectionnée qui a permis au Mexique, après la révolution la plus sanglante du continent latino-américain en 1910, de se perpétuer sans révolution nouvelle. Au fil des jours, c'est une véritable guerre urbaine qui a opposé les granaderos et les étudiants. Et alors ces accusations-là contre une éventuelle immixtion étrangère? Eh bien, elles se sont traduites par l'arrestation d'une poignée d'étudiants non mexicains, dont 5 Français, qui, selon la police, auraient été des acteurs des événements de mai 68 à Paris. Bon, ça me paraît assez dérisoire, non? Tout à fait. Et si effectivement de jeunes Français sont venus à Mexico pour aider leurs camarades étudiants, c'était surtout pour leur apprendre, par exemple, l'art de la sérigraphie. Ah oui, les fameuses affiches de mai 68. Oui, car pour le reste, les étudiants mexicains n'avaient pas grand-chose à apprendre des jeunes Français. Et ils menaient une lutte autrement plus dangereuse. Dans les rues de Mexico, les granaderos n'hésitaient pas à tirer à balles réelles. Enfin, quoi qu'il en soit, et contre toute vraisemblance, les autorités mexicaines n'en continuent pas moins à dénoncer un complot communiste ourdi de l'extérieur. Et est-ce que le mouvement de contestation continue à monter en puissance? Sans cesse. Début août, ils sont 150 000 à défiler dans Mexico. Ouais. Et pour éviter toute provocation, ces jeunes gens, regroupés au sein d'un conseil national de grève, ont organisé un solide service d'ordre. Mais vous évoquez le mois d'août, là. Et les Jeux Olympiques, c'était prévu pour quand? Octobre. Ah ouais. Pour le gouvernement, il était donc de plus en plus urgent de venir à bout des contestataires. Car déjà, certains journalistes étrangers doutaient de la capacité des autorités à pouvoir organiser les Jeux dans ce climat d'extrême tension, qui d'ailleurs dépassait les limites de la capitale. Dans d'autres États aussi, les étudiants étaient descendus dans la rue et protestaient contre les violences policières. Mais à ce stade de la mobilisation, là, quelles étaient leurs revendications? Elles tenaient en un programme en 6 points, élaboré par ce comité de grève dont je vous ai parlé. Alors, brièvement, voici ce que les étudiants réclamaient. D'abord, la libération des prisonniers. Ensuite, la destitution d'un certain nombre de responsables de la répression et enfin, la dissolution des granaderos. Mais ils exigeaient également l'abolition de quelques articles du code pénal qui restreignaient les libertés publiques et individuelles et permettaient des arrestations arbitraires. Un tel programme était-il acceptable pour le pouvoir? Franchement, non. Et quand le ministre de l'Intérieur a proposé au comité de grève d'entamer des discussions, les étudiants ont répondu positivement à condition que ce dialogue soit public. Et on en est resté là. Ouais, le gouvernement ne voulait pas aboutir. Et pourtant, la pression de la rue devenait de plus en plus forte. Fin août, une énorme manifestation rassemble un 500 000 de personnes. Et aussitôt après, le président Diaz se fait menaçant. Il y a une limite à tout, affirme-t-il. Ouais, on se dirige donc vers un affrontement. C'est de plus en plus évident à mesure que les jours passent. car les étudiants qui occupent leurs universités défient le pouvoir. Puis il y a ces Jeux Olympiques là dont la date d'ouverture se rapproche. Et les étudiants en jouent naturellement. Ils disposent là d'un formidable levier de pression sur le pouvoir, car il va du prestige international du Mexique. Sauf si le pouvoir décide de régler radicalement la question avant la tenue des Jeux. Le passage en force, oui. Ouais. Mais c'est excessivement risqué. Surtout à un moment où tous les yeux sont braqués sur Mexico et la préparation des Jeux. Des Jeux déjà chahutés par la fronde des athlètes noirs états-uniens qui ont menacé de ne pas se rendre au Mexique. Alors, Diaz a essayé d'imiter De Gaulle. Il a imaginé d'organiser une grande manifestation de soutien au pouvoir. Alors que, oui, comme le 30 mai à Paris. Quoi. Exactement. Sauf qu'en France, la manifestation des Champs-Élysées était bien encadrée par les gaullistes. Et le sac. Hein. Oui, ça, nous en avons parlé récemment. Donc, à Paris, ce sont de vrais partisans du général qui se sont rassemblés. Mais à Mexico, les autorités doutaient de pouvoir obtenir un résultat aussi spectaculaire. Et pour pallier un éventuel échec, ils ont obligé les fonctionnaires à manifester. Et ceux-ci y sont allés ? Certes, mais avec une mauvaise volonté évidente. On a vu des petites secrétaires ôter leurs chaussures et s'en servir pour taper sur les véhicules de l'armée. Donc pas vraiment un succès. Le président Diaz, pardonnez-moi l'expression, était de plus en plus coincé. Mais cet homme, plutôt rigide, n'était pas décidé à céder. On a vu d'autres, pas si longtemps, tout aussi résolus qui ont fini par s'incliner. C'est vrai, il n'y a pas si longtemps, effectivement. Mais il me semble que nous nous éloignons là un petit peu. Diaz était un homme d'ordre qui ne pouvait admettre qu'on mette en doute son autorité. Or, en dehors même de la tenue des Jeux Olympiques, c'était cela qui était sur le plateau de la balance. Déstabiliser le président de la République, ça voulait aussi dire ébranler tout le système politique du Mexique tel qu'il existait depuis des décennies. Pour Diaz et le PRI, c'était inacceptable. Et même choquant. Et puis le président estimait, ça il l'a dit publiquement, qu'il avait déjà été suffisamment indulgent. Mais est-ce qu'en face, je veux dire du côté des étudiants, on avait conscience du danger ? Bon, je crois pas. Retranchés dans leurs facultés et leurs écoles, sauf quand ils descendaient dans la rue, se sentaient fort, trop fort. Et ça allait leur coûter très cher. Ouais, mais n'allons pas trop vite, n'est-ce pas ? Bon, vous permettez que je continue ? Ouais. Bon. Diaz, après cette déclaration inquiétante, laisse passer quelques jours. Et puis soudain, il intervient brutalement. Un peu après la mi-septembre, il lance l'armée sur l'immense campus qui se trouve aux portes de Mexico. Blindés, camions, l'armée a mis le paquet. Et c'est baïonnette au canon que les soldats investissent les locaux universitaires et en chassent les étudiants qui les occupaient. De violence ? Pas forcément. Et surtout des arrestations, des centaines. Et la presque totalité du comité de grève est appréhendée. Le mouvement est décapité ? Pas totalement, car d'autres bâtiments sont occupés. Ceux de l'école polytechnique en particulier. Pour le pouvoir, c'est insupportable. Et quelques jours après ce premier assaut, l'armée récidive. Mais cette fois, c'est plus grave, car les granaderos ont reçu l'autorisation de tirer. Et c'est une vraie bataille rangée qui oppose les étudiants aux forces de l'ordre. Une bataille rangée, mais est-ce que les assiégés sont armés, eux aussi ? Difficile à dire. D'aucuns répondront par l'affirmative, car un policier est tué. Mais on le verra un peu plus tard lors de la tragédie de Tlatelolco. Il n'est pas exclu qu'il ait été abattu par d'autres membres des forces de l'ordre. En tout cas, cette nuit-là, deux étudiants sont tués et des dizaines sont blessés. Un pas supplémentaire a été franchi. Et les responsables étudiants, encore en liberté, annoncent leur intention de se rapprocher des syndicats ouvriers. Une perspective inquiétante pour le pouvoir. Naturellement. Un pouvoir qui est alors aux abois et qui, avec l'aide de la presse aux ordres, gesticule et accuse toujours des agitateurs professionnels venus de l'étranger. Encore des communistes ? Pas seulement. Diaz désigne aussi les agents de la CIA et même des commandos anticastristes qui auraient participé aux fusillades contre les étudiants. C'est vrai ça ? Je n'en ai aucune idée. Ouais. Mais vous me semblez bien modeste aujourd'hui. Écoutez, quand je ne sais pas, je le dis. D'accord, mais alors pourquoi cette éventuelle intervention de la CIA et des anticastristes ? À cause des relations que le Mexique s'obstine à maintenir avec Cuba. Mais tout ça, ça me paraît très flou. Non, maintenant nous sommes au tout début du mois d'octobre. Ce qui importe à Diaz, c'est que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques doit avoir lieu le 12. Et il doit absolument venir à bout de la contestation étudiante avant cette date butoir. France Inter, rediffusion de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Qui était le président Diaz, l'homme qui est au centre de ce récit? Auteur d'un ouvrage intitulé 1968, l'année qui ébranla le monde, paru en 2005 aux presses de la Cité, Marc Kurlansky lui a consacré ces quelques lignes. Gustave Diaz Ordaz était fort laid. À son propos, les Mexicains se divisaient en deux camps, ceux qui trouvaient qu'il ressemblait à une chauve-souris et ceux pour qui il faisait plutôt penser à un singe. Sa charpente menue, son petit nez court, ses longues dents, ses lunettes à verre épais qui grossissaient l'iris, tout cela participait du débat. Son côté simiesque lui avait valu son surnom El Chango, un mot mexicain désignant un singe, alors que les gestes de ses longs bras évoquait plutôt la chauve-souris. Mais on le créditait d'un solide sens de l'humour, répondant à l'accusation d'être hypocrite, d'avoir deux visages. Il aurait dit un jour « Ridicule, vous ne croyez pas que si j'en avais un autre, je m'en servirais ?» Et sans posséder un talent d'orateur particulier, il avait une voix tonnante. C'était le seul attribut physique en sa faveur, mais pour un président mexicain, il revêtait une importance particulière. Le poète mexicain Octavio Paz écrivit « Habitué à ne prononcer que des monologues, enivrés par une rhétorique hautaine qui les enveloppe comme un nuage, nos présidents et dirigeants en général jugent parfaitement impossible que puissent exister des aspirations et des opinions différentes des leurs. » Avant de poursuivre, un mot sur cette place Tlatelolco, où va se jouer le drame. Cette place, qu'on appelle aussi la place des trois cultures, résume à elle seule l'histoire du Mexique. D'abord parce que, sur cet emplacement, les Aztèques avaient installé un important marché et bâti une pyramide. Et c'est là que les conquistadors en ont fini avec la résistance des peuples autochtones. Ouais, au prix d'un terrible massacre. Bien sûr. Donc, pour les Mexicains, dont beaucoup sont des métis... Et par conséquent, des descendants des Aztèques. Oui, c'est un lieu de mémoire. Autre fait essentiel... Les colonisateurs espagnols ont édifié sur les ruines aztèques une église et un couvent. Donc un symbole de la conquête. Et ensuite, au début des années 60, les autorités ont construit un vaste ensemble moderne, une cité de béton et de verre abritant 300 000 personnes, essentiellement des familles plutôt aisées et fidèles au PRI. Et ça, c'est la représentation du Mexique moderne ou moderniste. Ah oui, d'où ce nom de place des trois cultures. Et à quoi elle ressemble, cette place, hein? Oh, c'est une vaste dalle bordée des deux côtés par les ruines aztèques. Au fond, il y a l'église espagnole et en face, les immeubles modernes. Alors, si je comprends bien, elle est pratiquement fermée sur les quatre côtés. Hein. En effet. Mmh. Et si la police réussit à boucler les quelques passages qui permettent d'entrer ou sortir de la place, elle pourra enfermer les manifestants dans une véritable nasse d'où il sera très difficile de s'échapper. Une sorte de piège. Oui, mais un piège dans lequel vont se précipiter délibérément les étudiants, car ce sont eux qui ont choisi ce lieu symbolique pour faire état, encore une fois, de leur mécontentement contre le pouvoir au cours d'un meeting. Un meeting et pas une manifestation. C'est ça. Ouais. Et si les dirigeants étudiants ont choisi l'endroit, c'est qu'il offre une tribune très pratique. Le troisième étage de l'un des immeubles modernes où court une galerie ouverte, visible de tous côtés. Ouais. Et alors, comment ça commence, hein? Le meeting est prévu le 2 octobre, pour 17h. Mais la tension est palpable bien avant. Les voitures ne peuvent plus pénétrer dans le centre-ville et la police est très présente autour de la place de Tlatelolco. Toutefois, et malgré un hélicoptère qui tourne sans cesse au-dessus de la foule, les orateurs prennent la parole, comme prévu. Jusque-là, rien d'anormal. Rien. Mais soudain, alors que le soir tombe, un deuxième hélicoptère rejoint le premier et on voit apparaître une lumière verte au-dessus de l'église. Une lumière, c'est quoi? C'est un signal, hein? Certainement. Car en même temps, des hommes armés, la main gauche gantée de blanc, sont apparus. D'où venaient-ils alors? Ils étaient sans doute dissimulés dans les immeubles modernes. Et ce gant blanc là? Un signe de reconnaissance. Et presque aussitôt, alors que les orateurs sont expulsés manu militari de leur tribune, on entend des tirs d'armes automatiques. Et les premières victimes tombent sur le sol de la place. Est-ce que ce sont ces hommes là, au gant blanc, qui tirent? Apparemment, ce sont des civils. Oui, mais en réalité... Bon, l'apprendront un peu plus tard, ce sont des membres d'une unité spéciale de l'armée, le bataillon Olympia. Olympia? Ah ben oui, c'est clair. Ces militaires avaient été désignés pour assurer la sécurité et la bonne tenue des Jeux Olympiques. Ouais, là, en tirant sur des manifestants pacifiques, ils outrepassaient leur mission d'origine. Naturellement. Mmh. Et vous l'imaginez bien, ils n'étaient pas là par hasard. Enfin, on y reviendra. Quoi qu'il en soit, cette intervention d'hommes habillés en civil a été aussi meurtrière que confuse. Car des soldats qui surveillaient le meeting ont alors cru qu'on leur tirait dessus, ils ont riposté. En tirant sur ces hommes du bataillon Olympia ? Exactement. Et dans cet échange de tirs, un général a trouvé la mort. Et bien sûr, plus tard, les autorités ont prétendu que cet officier supérieur avait été tué par les manifestants. En tout cas, ça signifie que les soldats réguliers, je veux dire ceux qui portaient un uniforme, ignorait tout de la manœuvre des hommes du bataillon Olympia. Bah, c'est ce qu'il apparaît, en effet. Ouais. Et la fusillade a duré longtemps ? Entre le bataillon Olympia et les soldats ? Non. Mais ensuite, c'est sur la foule que l'armée s'est acharnée, sur ces milliers de manifestants pris au piège. Qui étaient dans l'impossibilité de fuir. Et là, ça a duré au moins 2 heures, d'après les témoins présents, dont quelques journalistes. D'autre part, ces mêmes témoins ont vu des soldats charger la foule avec leurs baïonnettes. Alors ? Il y avait donc volonté de tuer. Et de faire un grand nombre de victimes, c'est absolument certain. Alors combien de morts ? Aussitôt après la tuerie, le gouvernement mexicain a parlé de 4 morts. Mais c'était bien entendu ridicule. Puis on a évoqué le nombre de 12 morts. Quant à la télévision, elle a seulement évoqué un incident avec la police. Mais malgré la disparition de nombreux cadavres, on a commencé à parler de dizaines de tués, même de centaines. Et ces cadavres-là qui ont disparu ? Ils ont sans doute été enlevés par l'armée et enterrés dans des charniers qui, je dois l'avouer, n'ont jamais été retrouvés. Ce qui laisse un doute, non pas sur la réalité du massacre, mais sur son ampleur. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il faut aussi ajouter que nombre de familles ont hésité avant de déclarer la mort de leurs enfants. Et pourquoi alors ? Pas de peur, si ceux-ci avaient eu la chance d'échapper à la tuerie, de les désigner à la police comme membres d'un groupe armé. Car bien entendu, tous ces jeunes gens, selon la version officielle, étaient supposés avoir tiré sur les soldats. Ouais, donc ils pouvaient faire l'objet de recherches. Oui, j'ajoute que certaines familles ont été menacées. Mmh, quoi, dissuader de déclarer la disparition ou la mort des leurs ? Oui. Par conséquent, pour toutes ces raisons, il est impossible de tirer un bilan sérieux du massacre. Car il faut aussi tenir compte de tous ceux qui sont restés de longs mois en prison, et parfois même des années. En outre, des étudiants qui ont réussi à s'échapper de la place Tlatelolco n'ont pas osé regagner leur foyer et sont allés directement rejoindre les guérillas qui s'étaient créés dans les zones rurales et seront bientôt pourchassés par l'armée. Mmh. Encore des morts ? 500 dans les années 70, selon les associations de défense des droits de l'homme. Mmh. En tout cas, pour rester au massacre de la place, là, vous ne pouvez prononcer aucun chiffre. Mais étant donné le nombre de manifestants, entre 5000 et 15000, et la durée de la fusillade, il est évident qu'ils ont été très très nombreux à avoir péri. Octavio Paz, le futur prix Nobel de littérature, qui a aussitôt démissionné de son poste de diplomate après le massacre, a évoqué pour sa part le chiffre 325 tués. Mmh. Alors, expliquez pourquoi un tel massacre ? Le président Diaz, je vous l'ai déjà dit, voulait absolument ces jeux. Et effectivement, ils ont eu lieu comme prévu. Et s'il a réellement donné l'ordre à l'armée de tirer sur la foule, ce qu'il était le seul à pouvoir faire selon la Constitution, c'est qu'il voulait en terminer le plus vite possible. En provoquant la terreur chez les étudiants. C'est ça. Et remarquez-le bien, du point de vue de la seule efficacité, il a gagné. Car la contestation étudiante a cessé presque immédiatement. En tout cas, vous excluez que, paniqués, les soldats aient pris eux-mêmes l'initiative de tirer sur la foule. Absolument. Il faut dire aussi qu'après le massacre, le gouvernement, pour se dédouaner, a prétendu qu'il avait fait face à un véritable complot ourdi par un ancien président de la République qui voulait renverser le régime. Mais avec quelle preuve ? Le témoignage d'un dirigeant étudiant arrêté par l'armée, puis relâché sans doute après avoir été torturé. Ce type a même osé déclarer à la télévision que les soldats s'étaient comportés avec lui d'une façon formidable et avaient même traité les étudiants comme des frères. Et comme des frères, ouais. C'est en effet un témoignage suspect. Mais moi, je reviens un peu en arrière, là. Pourquoi l'intervention de ce bataillon Olympia ? C'était des hommes sûrs, comprenez-vous. Des soldats fidèles sur lesquels le gouvernement pouvait compter. Ah, parce que ce n'était pas forcément le cas des soldats ordinaires. Non, on a même vu certains de ces militaires en uniforme, horrifiés par le massacre et sans doute pris de pitié, aider les manifestants à fuir. La contestation avait donc aussi gagné l'armée. Une petite partie, oui. Et à mon avis, c'était inévitable. Autre chose. Les États-Unis s'y prompt à intervenir en Amérique latine dès qu'un gouvernement ami était menacé. Ont-ils joué un rôle dans cette affaire ? Eh bien, on risque de vous décevoir, non. Les archives déclassifiées de la CIA en témoignent. Mieux, ces documents démontent la thèse du président Diaz qui prétendait que la subversion étrangère était à l'origine de la contestation étudiante. ce sont uniquement des problèmes intérieurs qui sont responsables du mouvement. Un dernier mot, si vous le permettez. Je vous en prie. Hein. Alors, comment ne pas s'étonner de l'aveuglement, sinon du cynisme du pouvoir sportif? Les Jeux pouvaient-ils décemment se tenir après un tel massacre? Si près de Tlatelolco, où le sang des étudiants était à peine sec. Mais me direz-vous, Tiananmen, et les violations permanentes des droits de l'homme en Chine n'ont pu empêcher le comité olympique d'attribuer les prochains Jeux à Pékin? Jean-Marie Leclésio, qui séjourne souvent au Mexique, a évoqué ces événements dans son livre « Révolution », publié en 2003 chez Gallimard. J'en extrais ces quelques lignes. Les mitraillettes ont continué à tirer très longtemps, une demi-heure peut-être plus, et personne ne pouvait s'échapper de la place. Les gens étaient pris entre les immeubles de verre, les ruines de la pyramide et la vieille église aux portes fermées. Les femmes, les enfants s'étaient recroquevillés dans les fossés. Sur le pavé de la place, un jeune garçon avait eu la main clouée par un coup de baïonnette. Le sang coulait. D'autres avaient été pris dans le barrage des parachutistes à côté de l'immeuble des relations extérieures. Ils étaient frappés à coups de bâton, à coups de pied, déshabillés, jetés dans les cars bleus de la police. Ensuite, la nuit est tombée sur la place. Les autos blindés ont allumé leurs phares. Partout, il y avait des blessés, des tués, des enfants étendus par terre, leurs poitrines percées par les balles des mitraillettes.